Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. C'est Chris, vous êtes dans votre émission Fréquence Libre et pour cette nouvelle émission, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne les Remiremont, Mathieu et Clément de l'ADPC 88 qui sont là pour nous parler de l'ADPC, pour pourquoi pas nous donner quelques conseils et pour nous parler de tout ce qu'ils font. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bien et toi ? Ça va bien, merci. Donc, nos auditrices et auditeurs sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots à tour de rôle ? Alors, salut à tous, moi c'est Mathieu, 40 ans, père de famille, de la Bresse, et engagé depuis un peu plus d'un an au sein de la protection civile des Vosges. Et depuis le 1er septembre dernier, responsable de l'antenne de la protection civile des Hauts-de-Vosges, section La Bresse. D'accord. Bonjour à tous, moi c'est Clément Boer, j'ai 35 ans. J'exerce le métier d'agent de maintenance dans un lycée. Je suis bénévole à la protection civile depuis plus de 10 ans. Et je suis aussi sapeur-pompier volontaire à Basse-sur-le-Rue. D'accord. Et donc maintenant, bien que nous développons le sujet tout au long de cette heure d'émission, pouvez-vous présenter en quelques mots toujours ce qu'est l'ADPC 88 ? Oui, l'ADPC 88 est avant tout une aventure humaine. Nous sommes une association qui est agréée de mission de sécurité civile. D'accord. Et donc pour en être là où vous en êtes aujourd'hui, quel a été votre parcours, on va dire, parcours scolaire, pour en être là aujourd'hui ? Est-ce que vous avez fait des études peut-être de... Enfin, je ne sais pas si ça existe, mais des études dans le monde de la sécurité ou quelque chose comme ça, ou pas du tout. Alors, j'ai 15 ans de sécurité privée derrière moi, effectivement, et de la protection rapprochée France, en France et en international. Et j'ai une certaine culture de la sécurité, effectivement, qui est accessible à tout le monde, hein, sans aucun souci. À côté de ça, j'ai toujours été, dans tout ce que j'ai fait depuis mon adolescence, il y a toujours un trait de caractère qui nous est revenu, qui était le côté Saint-Bernard. Et ce côté Saint-Bernard, bah, y a un moment dans la vie, une fois qu'on a accompli différentes choses, comme le fait d'être père. Mmh. Derrière, on y revient, puisque c'est la base, enfin pour moi, et c'est la base de notre propre personne. Et du coup, à ce moment-là, on passe aussi du temps pour les autres, parce que on se rend compte vite qu'on ne peut pas vivre sans les autres. Et aider les autres, c'est... Il y en a qui ont fait leur métier. Moi j'en fais mon bénévolat parce que j'ai aussi un métier à côté mais aider les autres c'est important aussi. On l'a vu dernièrement sur la crise du Covid, il a fallu que les gens aident d'autres personnes, surveillent le voisin, enfin tout ça, et je trouve ça super important dans le monde dans lequel on vit à cette heure-ci, qui est de plus en plus individualiste, de pouvoir justement dire on aide son voisin, on aide les gens qu'on aime, on aider les autres, toujours tendre la main en fait. Voilà. D'accord. Et donc du coup, oui, tu voulais dire autre chose, non ? Non. Du coup, voilà, c'est, enfin moi c'est mon côté, je pense que c'est ce qui m'anime, voilà. D'accord. Et du coup, Clément, est-ce que tu as fait des études ou autres dans le monde de la sécurité ? Je ne sais pas si ça existe, mais... Alors, non, je n'ai pas fait d'études dans le monde de la sécurité, mais j'ai été réserviste dans l'armée de terre, au 1er régiment de tirailleurs à Épinal. D'accord. Pendant plus de 10 ans, j'ai participé à des missions Sentinelle ou Vigipirate. Okay. En parallèle, j'ai aussi exercé, j'ai exercé un petit peu le métier d'aide-soignant. Donc il se rapproche peut-être un peu de... qui est aussi dans l'aide. Et depuis peu, j'ai rejoint aussi les pompiers, sous l'influence de plusieurs amis qui sont aussi pompiers volontaires. En plus, c'était à la protection civile qui m'ont aidé à franchir le pas. C'est vrai que la partie incendie ne m'intéressait pas tellement, mais voilà, j'ai décidé de les rejoindre. Et c'est aussi une autre aventure qui me plaît. Bien sûr. Donc du coup, on remarque bien que dans vos deux parcours, aussi différent soit-il, qu'il y a toujours ce côté aider les autres qui revient avant tout. Et j'imagine que c'est une condition presque obligatoire pour être dans la protection civile, aider les autres et aimer les autres aussi. Effectivement, aider, c'est un beau synonyme, c'est aimer. Et à partir du moment où on aime la vie, où on est... Excuse-moi. Où on aime la vie et on s'aime soi-même, on se trouve et on s'aime soi-même. Effectivement, il y a un moment, il faut vraiment aider l'autre. C'est super important. Voilà. Pour moi, c'est des synonymes. C'est super important. Enfin, c'est voilà. Enfin, je n'arrive pas à l'exprimer. Il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, qu'est-ce que signifie ? Parce que j'imagine que les quatre lettres ADPC ont une signification. Donc, quelle est la signification de ces quatre lettres ? Alors, le A, c'est antenne. Ah non, c'est excuse-moi, j'étais parti sur autre chose. Non, c'est... ADPC signifie Association départementale de protection civile. D'accord, parce qu'on verra un peu plus tard dans cette émission qu'il y a trois échelons, l'échelon local, l'échelon départemental ou régional et l'échelon national. Voilà, on verra ça un petit peu plus tard. Et du coup, dans quelle mesure l'ADPC intervient-elle ? Est-ce que c'est quand, quand la police n'arrive plus à gérer une situation ? Est-ce que c'est pour, Enfin, donc c'est pour ça que je vous pose la question, dans quelle mesure intervient l'ADPC ? Alors, l'ADPC, elle intervient toujours pour des missions qui sont liées à la sécurité civile. Okay. Donc on a un agrément de la sécurité civile, nous sommes associatifs, mais... Nous répondons aux différentes consignes du ministère de l'Intérieur. D'accord. Donc généralement, ceux qui vont nous déclencher sur une catastrophe, ça va être la préfecture. D'accord. Pareil pour les postes de secours. Quand nous faisons des postes de secours, nous sommes aussi gérés par la préfecture. Tout passe par la préfecture, c'est le SIDPC, Service interministériel de protection civile. D'accord. Qui va gérer toutes nos missions. Ok. D'accord. Et donc, du coup, l'ADPC, donc c'est aussi appelé du coup, la protection civile. C'est d'ailleurs sous ce nom qu'on la connaît la mieux, presque. Donc, du coup, pourquoi ces deux noms pour désigner finalement un seul et même organisme ? Pourquoi ? Parce que vous avez dedans protection. Protection, ça signifie aussi l'aide. Bien sûr. Hein, notre devise, c'est aider, secourir, former. Tout ça, on va le retrouver dans protection et civile parce que nous sommes civils et que nous venons en aide des populations. D'accord. Et du coup, dans ADPC 88, il y a du coup le numéro du département, car en France, c'est important de préciser qu'il n'y a pas qu'un seul ou qu'une seule ADPC. Donc, est-ce qu'il y a une ADPC par département ? Tout à fait. La protection civile est présente dans tous les départements de France, comme ceux d'outre-mer. D'accord. Donc, c'est pour ça. Donc, par exemple, en Meurthe-et-Moselle, ça sera ADPC 54. Tout à fait, c'est ça. Ok, d'accord. Et du coup, c'est donc une association. Donc, est-ce que vous avez peut-être une petite idée de combien de bénévoles compte cette association, on va dire, au niveau national ? Au national, c'est aux alentours de 32 000 bénévoles. D'accord. Et au niveau des Vosges, du coup ? On a à peu près 280. Ok. Et donc, ça englobe que les Vosges ou également le Grand Est en général ? Là, les 280, sont que pour les Vosges. D'accord. Pour le Grand Est, en général, je ne sais pas. Ok, pas de souci. Je sais que là, une très grosse protection civile, qui est par exemple celle du 67. Donc, Haut-Rhin, Bas-Rhin, je ne sais plus. C'est le Bas-Rhin. Le Bas-Rhin, ok. Ouais, les moyens sont très impressionnants pour quelque chose qui est associatif. Bah, j'imagine bien. Et donc, tous les bénévoles qui composent l'ADPC, on va dire en général, viennent de tous les horizons et de tous les métiers. Ou est-ce que ce ne sont que des personnes qui pratiquent déjà un métier de secours à côté, comme je sais pas, les médecins, les pompiers, les ambulanciers ou autres ? Alors, il y a énormément. En fait, c'est comme l'association, c'est comme la société, j'ai envie de dire. On peut la retrouver. J'aime pas dire ça. Enfin, je sais pas comment l'exprimer non plus, mais c'est à l'image de la société. Il y a des personnes en retraite. Il y a des personnes qui sont plus âgées. Il y a des jeunes. Il y a des cadres. Il y a vraiment. À l'image de la société, vraiment. Voilà. Et jusqu'à des jeunes qui sont en service civique aussi. Mmh. Donc, voilà. qui cherchent un peu, qui se cherchent un peu, j'ai envie de dire, et qui ont des projets et qui se retrouvent un peu dans les valeurs de la protection civile, en fait. Voilà. D'accord. Donc, Donc ces valeurs qui sont vraiment aider, secourir, former. Et c'est super important puisque, en fait, tout le côté des services civiques, en fait, je pense que c'est les nouveaux services militaires. Enfin, on peut les apparenter à ça, quelque part, au niveau administratif. Et du coup, je pense qu'ils viennent aussi un peu se chercher, essayer de se trouver, essayer de découvrir un peu ce qui se fait et s'ils ont des passions et voir si nous, on peut les orienter là-dessus. Voilà. Ok. Donc, du coup, la protection civile, est-ce que même des mineurs peuvent l'intégrer ? Alors, oui. On est en train de regarder pour monter des équipes juniors. C'est en cours. On attend des agréments de cet ordre. Et tant que la crise du Covid n'est pas terminée, rien ne sera fait, enfin rien ne sera ouvert, acté, je veux dire. Voilà pour ça. Après, à une époque, je me rappelle que les pompiers, c'était à partir de 16 ans et que c'est repassé à 18 ans, il me semble, après pour monter dans une ambulance. Chez nous, je crois que c'est 16 ans. Oui. C'est 16 ans, oui, Clément me confirme, voilà. J'ai pas tous les textes en tête, c'est pas moi qui m'en occupe, il y a deux personnes qui sont chargées de ça au niveau de la DPC 88. Et du coup, c'est eux les spécialistes. Mais on compte bien faire une équipe de juniors chez nous à la Bresse. Ok. Et donc, pour les mineurs, à partir de 16 ans, les gens peuvent être intégrés à l'association, mais par contre, on ne peut pas les employer quand c'est de nuit. D'accord. Là où il y a un fort risque d'impact psychologique pour eux, par exemple sur les postes de secours lors de rallye, où ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois que nous ayons des décès, on ne va pas les exposer, ou sur les rêves parties, où il y a des choses qui peuvent être choquantes. Donc voilà, on peut prendre les mineurs, mais les missions seront un petit peu plus limitées que les adultes. Bien sûr. Et ils seront parfaitement toujours accompagnés de près. Bien sûr, j'imagine. Donc, avant de parler encore plus de tout ça, je vous propose de nous lancer directement dans une première fréquence musicale que vous avez choisie et que nous écoutions pour commencer le groupe anglo-américain London Beat avec leur morceau intitulé « I've been thinking about you » que l'on pourrait traduire en français par « J'ai pensé à toi ». Pour donner les quelques références comme j'aime bien le faire, et je sais que nos auditrices et auditeurs apprécient quand je le fais, ce morceau est sorti en 1991, il est plutôt typé musique électronique pop et il est tiré de l'album « In the Blood » du groupe. Pour l'information complémentaire, le titre connaît un important succès international, se classant en tête des ventes dans de nombreux pays. Voilà. Donc on écoute ce morceau de London Beat et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. I've got Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement, sur notre site internet ou sur notre application Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter London Beat avec le morceau intitulé I've Been Thinking About You. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Mathieu et Clément de l'ADPC 88 qui sont là pour nous parler de l'ADPC, pour peut-être nous donner quelques conseils et pour nous parler de tout ce qu'ils font. Ça va toujours ? Ça va toujours, bien sûr. Super. Donc du coup, j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale. Pourquoi ce morceau ? Eh bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, et comme je te l'ai dit, toi, tu as fait la traduction qui est « J'ai pensé à vous ». Et du coup, c'est vraiment cet instance, enfin, cet état d'esprit qui nous anime et qui fait qu'on donne du temps pour les autres. Voilà. Ok, super. Et donc, du coup, on va reprendre le cours de cette émission. Donc, nous parlions, nous n'en parlions pas encore, donc je vais vous poser la question. Au niveau des bénévoles de l'ADPC, est-ce que tous les bénévoles ont les mêmes missions ou est-ce que les missions sont réparties en fonction des bénévoles ? Oui, donc nous sommes déjà associatifs, donc c'est du bénévolat. Donc, les gens choisissent aussi les missions dans lesquelles ils veulent faire. La plupart de nos bénévoles sont secouristes. L'ADN de la protection civile, c'est le secourisme. Mais néanmoins, pour faire ces missions opérationnelles, derrière aussi, il y a toute une logistique, un administratif. Donc il y a des bénévoles qui vont en faire uniquement de l'administratif, et d'autres qui vont s'occuper de toute la partie technique, et d'autres qui restent aussi plus en réserve, et eux qui veulent intervenir plus sur les catastrophes et ne pas faire du secourisme. Simplement là, c'est bénévole, notre ADN, c'est la protection, c'est le secourisme, on aura un peu moins de missions à leur proposer. Bien sûr. Et donc, du coup, à la base, qu'est-ce qui vous a donné, à titre personnel, l'envie de vous lancer dans tout ça ? Est-ce que c'est vraiment, comme tu le disais, Mathieu, cet amour pour les autres ? C'est vouloir se rendre utile, je pense. C'est avoir la reconnaissance de ses pairs, un peu, pour des choses qu'on peut faire. On peut faire tellement de belles choses quand on est plusieurs, et justement, avec plusieurs façons de penser, en fait. Et arriver à une chose commune, c'est assez fantastique. Et sauver quelqu'un à plusieurs, quand il y a une personne qui a un problème, que ce soit les pompiers, que ce soit le SAMU, que ce soit la DPC, que ce soit n'importe qui, il faut forcément être plusieurs. Et c'est un travail d'équipe. Et on en revient à ce qu'on disait juste avant la pause musicale. Hein. C'est vraiment... aimer l'autre, aimer les autres et se battre contre l'individualisme et du coup, j'ai envie de dire, se prendre par la main et avancer tous ensemble. D'accord. En faisant mes recherches, en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion d'apprendre que la protection civile se sépare en trois échelons. Donc, quels sont ces trois échelons ? Alors, les trois échelons sont l'échelon national, car nous sommes une fédération nationale. Et donc, eux, ils vont se charger de mettre en place les référentiels pédagogiques pour les formations, ce genre de choses, donner des directives pour tous les départements. La deuxième échelon est l'échelon départemental, qui, eux, se contentent d'appliquer les recommandations de l'échelon national. D'accord. En l'adaptant aux spécificités aussi qui sont du département. Puis après, vous avez l'échelon qui est local. Donc cet échelon local, c'est là où nous sommes responsables, Mathieu et moi. Donc nos missions à nous sont d'animer notre antenne. Mais on ne va pas gérer la partie qui est opérationnelle, qui elle est gérée au niveau du département. D'accord. Et donc, est-ce qu'il est possible du coup de passer d'un échelon à un autre ? Bien sûr, hein, c'est une association. Après, il faut se présenter. Et il est possible d'être responsable d'antenne, après de monter président départemental, devenir président national. D'ailleurs, dans les Vosges, le président départemental, Jean-Christophe Roussel, est le vice-président national de la protection civile, comme responsable de la partie formation. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que vous me permettez de donner quelques, on va dire, données chiffrées concernant la protection civile que j'ai trouvées en faisant mes recherches ? Rien de bien compliqué, c'est juste le nombre de départements dans lesquels c'est présent, le nombre d'antennes, etc. Alors, il me semble que nous sommes présents, ça c'est certain, sur tous les départements de France comme d'outre-mer. Mmh. Il y a 700 antennes locales. D'accord. Et 32 000 bénévoles. Ok. Et puis même dans les dom-tom également, vous êtes présents. Oui, oui, en outre-mer, les dom-tom, tout ça, nous sommes présents, oui. Ok. Donc voilà, c'était les chiffres que j'avais sous les yeux. Et donc, la DPC 88 propose, même la DPC en général, propose des formations aussi. Quelles sont ces formations ? Alors, effectivement, la DPC propose des formations pour tous, pour tout public, j'ai envie de dire. Du GQS, qui sont des gestes qui sauvent, en passant par le PSC1, qui est prévention et secours civique niveau 1, et du PSE1, qui est du premier secours en équipe de niveau 1, du PSE2, qui est du premier secours en équipe de niveau 2, et du SST, donc du sauveteur-secouriste au travail, effectivement. Mais ça, du coup, ça part sur de la partie entreprise, qui propose des formations au secourisme aux entreprises. Dans ce cas, on est en train de lancer une campagne de formation sur les Hauts-de-Vosges. Et voilà. D'accord. Du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est pour la partie qui sont des formations qui sont accessibles pour le tout public, comme le PSC1. Après d'autres, le PSE1 ou le PSE2, qui sont pour nos bénévoles. Mais ces formations, elles sont aussi nécessaires, par exemple, pour les personnes qui sont maîtres nageurs ou pisteurs secouristes. Donc on les fait aussi pour ces personnes-là, ces extérieurs. Mais nous avons aussi nos propres formations en interne. Nous avons une formation qui est spécifique pour le secourisme en situation d'exception. C'est-à-dire que vous avez de nombreuses victimes qui sont en ce moment en même temps. Donc là, ça va être par exemple tout ce qui est moyen des hémorragies. Et cette formation qui s'appelle Stop the Bleed est une formation anglo-saxonne. Quasiment toute la formation est sur l'arrêt des hémorragies. Nous voulons aussi développer ce type de secourisme. Nous avons aussi en interne des formations qui sont l'aide écoute psychologique. Mmh. Pourquoi cette aide écoute psychologique ? Simplement lorsque nous intervenons dans nos missions courantes comme nos missions en situation d'exception, on peut être amené à rencontrer des gens qui présentent une détresse psychologique. Et cette formation, elle va permettre à nos secouristes de savoir quoi dire et surtout ne pas dire. Et identifier qu'on a des signes de gravité pour leur orienter vers des professionnels de santé formés spécifiquement à cette prise en charge. D'accord. Et donc, du coup, à l'école, on passe du coup le PSC1, je crois. Oui. Donc, du coup, c'est quelqu'un de la DPC qui se déplace dans les établissements scolaires pour délivrer ses formations. Oui. La protection civile qui se déplaçait dans les écoles pour faire ses formations au PSC1. Ça se fait toujours, mais un petit peu moins, parce que maintenant, l'éducation nationale a formé en interne ses propres formateurs. D'accord. Et c'est un peu problématique pour nous, parce que la première rentrée d'argent de la protection civile, c'est la formation. Ah oui, et donc du coup, si on retire une formation, ça fait forcément moins d'argent pour la DPC. Après, nous, à la protection civile, je pense que nous avons une grande faculté d'adaptation et on arrive toujours à s'en sortir, donc... On trouve des financements aussi ailleurs et d'autres formations. Bien sûr. Donc, avant de nous intéresser davantage à tout ça, je vous propose de nous lancer directement dans la deuxième fréquence musicale que vous m'avez envoyée en amont et que nous écoutions cette fois-ci le célèbre groupe AC/DC avec leur non moins célèbre titre Highway to Hell ou Autoroute pour l'Enfer en français. Toujours au niveau des quelques références, ce morceau est plutôt typé hard rock, forcément c'est du AC/DC. C'est un morceau sorti en 1979 et issu de l'album éponyme du groupe, donc album intitulé Highway to Hell. Et il s'agit du 5e album studio du groupe, album sorti le vendredi 27 juillet 1979 en Australie, car n'oublions pas que AC/DC est un groupe d'origine australienne. Et le vendredi 3 août 1979 dans le reste du monde. Et pour la petite anecdote, pourquoi ce titre de Highway to Hell ? Tout simplement, car le groupe a écrit cette chanson avant d'être mondialement connu. Ils imaginaient et fantasmaient alors le rythme infernal d'une tournée internationale et de la vie sur la route. D'où le titre du coup. Donc on écoute Highway to Hell de AC/DC et on se retrouve juste après d'ici un peu plus de 3 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. We'll be right back. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107FM. Vous venez d'écouter AC/DC avec le célèbre morceau intitulé Highway to Hell. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Mathieu et Clément de l'ADPC 88 qui sont là pour nous parler de l'ADPC, pour pourquoi pas nous donner quelques conseils et pour nous parler de tout ce qu'ils font. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie ? Oui. Oui. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger sur notre passion. Échanger et partager, effectivement, ça fait aussi partie des choses qu'on aime. Bien sûr. Et donc, du coup, on va reprendre tout doucement cette émission. Donc, maintenant, je me suis un petit peu renseigné, bien sûr, en préparant cette émission. Et je vous propose de faire un petit point historique. Donc, après, c'est une petite question, un petit quiz d'une seule question que j'ai envie de vous poser. Peut-être que vous connaissez la réponse ou alors peut-être que je vais apprendre des choses à nos auditrices et auditeurs. Est-ce que vous savez qui a demandé la création d'une fédération nationale de protection civile et pourquoi ? Oui, c'est le général de Gaulle qui, suite à la Seconde Guerre mondiale, a voulu fédérer toutes les associations de défense passive qui étaient municipales. C'est notamment après une rupture de barrage dans les années 1957, il me semble, qu'il a voulu justement pouvoir faire en sorte que n'importe quel citoyen puisse rentrer dans une association qui lui permettrait d'intervenir en situation de crise. Exactement, voilà. Une fois de plus pour aider les autres. Bien sûr, toujours ouais, pour les autres. Et donc du coup, la FNPC, c'est l'échelon national. C'est ça. Voilà, a été reconnue d'utilité publique par un décret du vendredi 14 novembre 69 et par un arrêté du mardi 15 octobre 96, me semble-t-il. Et je dois bien l'avouer, je ne connais pas la différence entre un décret et un arrêté. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre les deux. Non, je ne connais pas ça du tout. Nous sommes plutôt concentrés sur l'efficacité de nos interventions. Donc on ne s'embarrasse pas de ce genre de détails. Bien sûr, et puis vous avez bien raison, du coup. Du moins à notre niveau, hein, bien sûr. Bien sûr. Et donc, du coup, toujours en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de voir que l'ADPC 88 forme également, je crois, au secourisme canin. Oui, tout à fait. Nous avons un formateur sur les Vosges qui est formateur de secourisme canin, donc du secourisme pour les chiens. C'est une formation qui est très intéressante parce qu'on apprend à se débrouiller, à faire un brancard avec une planche pour repasser le linge, faire des attelles avec des équerres. Donc, c'est vraiment pas mal comme formation. Et donc, j'encourage tout le monde à peut-être d'abord se faire former au secourisme classique envers les humains. Mais pour un propriétaire d'un chien, c'est un réel plus. On voudrait, sur la Bresse notamment, faire venir ce formateur et proposer des formations de secourisme canin. Bien sûr, comme ça permettrait du coup de sauver un chien, par exemple, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ces formations, en fait, elles ont été à la base créées pour les maîtres chiens et les assistants de maîtres chiens. D'accord. Et la Fédération nationale s'est rendue compte comme quoi c'était quelque chose qui intéressait la population. Donc c'est pour ça que cette formation est devenue une formation tout public. Ok. Et donc, quels sont les différents matériels avec lesquels travaille l'ADPC 88 ? Est-ce qu'il y a des mannequins sur lesquels s'entraîner au massage cardiaque, par exemple ? Oui, nous avons donc bien sûr les mannequins, du matériel spécifique pour tout ce qui est formation exercice. Donc c'est pas les mêmes sacs, c'est pas le même matériel qu'on va utiliser en exercice qu'en opérationnel. Mm-hmm. Quel autre type de matériel on utilise ? Eh bien sûr des véhicules. Donc nous avons des ambulances, des véhicules toute utilité. Bien sûr. Et aussi du matériel technique, parce que la protection civile, c'est aussi intervenir sur les catastrophes. D'accord. Donc ça, c'est pour ça qu'on a été créé, ça a été mis un petit peu de côté, parce que la base aussi, c'était venir donner un coup de main en situation de conflit. Et notamment, après la guerre froide, les missions ont un petit peu changé, ils sont orientés plus vers les gestes qui sauvent. Mais nous revenons à cette aide technique vers les populations. C'est pour ça que nous avons des LIPICO. Nous avons des lots d'éclairage, des groupes électrogènes, du matériel de pompage, donc des pompes thermiques, des motopompes, du matériel de tronçonnage. Mm-hmm. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. D'accord. Nous avons un peu de matériel, c'est assez limité sur les Vosges, mais voilà, nous y travaillons. Mm-hmm. Et du coup, est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, que lors d'une opération, l'ADPC 88 demande l'aide d'autres ADPC, comme l'ADPC 54, par exemple? Oui, bah, c'est arrivé justement, c'était, il me semble, le mois dernier. Nous avons été envoyés pour la fuite de gaz à Sanabor, afin de mettre en place un centre d'accueil des impliqués et centre d'hébergement d'urgence. Donc les personnes sur la commune de Sanabor, certaines n'avaient plus de gaz et d'électricité. Mmh. Nous avons monté des tentes avec des lits picots. D'accord. Et nous étions en capacité d'héberger les gens ainsi que de les restaurer. Et dans ce cadre-là, nous avons du matériel qui est limité sur les Vosges. Nous avons un renfort en lits picots ainsi qu'en sacs de couchage et matériel divers de la protection civile de Belfort. D'accord. Et Belfort, ça se trouve dans... C'est ADPC 90. C'est 90, ouais, c'est 90. 90. J'allais dire du côté de Dijon, mais ce n'est pas, pas le numéro 90. C'est, je Dijon, sais. C'est 21. Ouais, ouais, c'est Côte d'Or. Voilà, c'est fort possible. J'avoue que je ne m'y connais pas trop au niveau département et niveau numéro de département, à part les départements du Grand Est, c'est tout ce que je connais à peu près. Et donc, du coup, l'ADPC a également différentes équipes adaptées aux différentes missions, je suppose. Oui, oui, mais principalement sur les Vosges, nous avons des équipes de secouristes ou alors des équipes de logistique. D'accord. Et donc, du coup, l'équipe logistique ne va pas intervenir sur le secourisme, etc. Et vice-versa. Non, elles n'en vont pas. Mais après, elles portent aussi la tenue protection civile, donc ils doivent être en mesure de faire les premiers gestes. Bien sûr. Mais ce n'est pas leur mission première. Ils sont en capacité de faire les premiers gestes en seul et d'alerter. D'accord. OK. Donc, du coup, est-ce que vous diriez que, au sein de la DPC en général, du coup, enfin, déjà au sein de la DPC 88, est-ce que vous diriez que c'est un véritable travail d'équipe comme avec les autres ADPC, du coup ? Bien sûr, la protection civile, c'est d'abord une aventure humaine. Donc, c'est totalement un travail d'équipe et nous nous débrouillons pour tout. Nous restons associatifs, donc on essaye de trouver des dons, de récupérer du matériel. On se débrouille vraiment pour tout. Et le côté qui est très intéressant, c'est que vous avez des gens qui ont plus de 70 ans, qui sont encore bénévoles chez nous et qui vont faire équipe avec des jeunes qui ont 16 ans. Donc là, ce côté de cohésion, intergénération, dans le but d'aider la population, que je trouve assez exceptionnel et puis qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Bien sûr. Et du coup, j'imagine qu'il y a un certain... que les personnes les plus expérimentées, on va dire, partagent leur expérience avec les plus jeunes. Justement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qui me semble toujours important, c'est les anciens qui guident les jeunes et qui par leur expérience, par leur sagesse, et du coup, on en revient au « je te tends la main et je suis là pour t'aider ». Et si tu as besoin d'aide, je suis là. Voilà. Enfin, c'est un peu le principe, l'idée. Quoi. Mm-hmm. Et c'est vraiment très, très, c'est vraiment très, très, c'est un défi. Et c'est comme le dit Clément si bien, c'est vraiment une aventure humaine. Voilà. Et c'est important de bien l'intégrer. C'est, voilà. Bien sûr, si. Autrement dit, si vous n'avez pas cette volonté de travailler avec les autres, autant ne pas intégrer la DPC, quoi. Ben, disons que tout le monde a sa place à la protection civile et je pense que même quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément cette volonté, ben nous on va faire en sorte pour que ça la vienne naturellement. De lui donner le goût. De lui donner le goût. D'aller la chercher, pour la faire avancer, pour la faire évoluer. Voilà. D'accord. Voilà, nous avons des gens par exemple, des fois le secourisme ça ne les intéresse pas tellement, et ben on les invite quand même à participer à nos exercices et puis pour finir... ça leur donne le goût et ils deviennent secouristes. Ça arrive souvent, ça. Vous faites naître des vocations dans les esprits, parfois même des plus réticents. Oui. Parce que vous avez clairement certains volontaires des services civiques qui viennent là parce qu'ils n'ont pas trouvé autre chose. Et quand ils repartent, ils ne sont plus les mêmes et ils sont devenus des passionnés. J'avoue qu'à titre personnel, ça m'a toujours plu ce côté... aide, entraide envers les autres. Mais je ne connaissais pas la DPC avant de te contacter, Mathieu. Je ne connaissais pas, j'en avais déjà entendu parler vaguement de la protection civile en général. Mais j'avoue que je n'avais pas trop approfondi le sujet. Et j'avoue que c'est très intéressant de tout ce que vous dites. Ça peut encourager, je suis presque sûr que ça pourrait encourager certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs. Et donc, au niveau des formations, comme on en parlait tout à l'heure, vous formez également au secourisme au travail. Effectivement, je reviens sur ce que tu as dit, Chris, là, juste avant. On est ouvert, tout le monde peut venir, hein, il n'y a aucun problème. On est là pour aussi faire découvrir les choses, comme déjà dit. On est là pour avancer tous ensemble, main dans la main. Et si les gens veulent nous rejoindre, c'est avec un grand plaisir. Et la porte est ouverte. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Bien sûr. C'était quoi la question d'avant, du coup? Je disais, pour en revenir aux formations, vous formez également au secourisme au travail. Oui, tout à fait. Ça fait partie des formations que l'on propose aux entreprises qui nous contactent de plus en plus pour effectuer ces formations de sauveteurs secouristes au travail, qui semblent aussi intéressantes, car avec les nouvelles lois qui sont sorties dernièrement, les personnes qui partent en retraite, leur employeur est tenu de leur faire passer une formation au secourisme, par exemple, avant que la personne parte en retraite. D'accord. Et du coup, il y a une demande qui est de plus en plus forte. Et voilà. Et à nouveau, au niveau des formations, une autre formation que je ne connaissais pas, je l'avoue, avant de préparer cette émission, c'était les formations radio de niveau 1 et des formations au risque majeur. Donc, qu'est-ce que ces deux formations? Alors, la formation radio de niveau 1, c'est simplement comment on va utiliser nos radios. Donc, nos radios, je parle les radios qui sont dans les véhicules, les talkie-walkie. Donc, comment on les utilise, connaître l'alphabet phonétique international, alpha, bravo, Charlie, tout ça, et être en capacité de faire un compte rendu. Donc, je suis à la radio, j'arrive à tel endroit, je suis en présence d'une victime, je demande la conduite à tenir. Voilà, tout ça, c'est cadré. Il y a des procédures à respecter. Et cette formation-là, elle permet d'apprendre cela, et puis d'apprendre aussi un petit peu la technique de la radio. Donc voilà, savoir que se mettre sur un point haut et dégager, ça va porter plus loin. On va travailler un petit peu sur la technique. D'accord. Et une question qui n'est pas dans ma trame, mais qui me vient en tête comme ça. Est-ce que à la DPC, vous avez, comme c'est le cas à la police, des codes 10, genre 10-4, 10-5, etc. Ou est-ce que vous ne les utilisez pas? Bah, on a notre propre procédure qui sont en interne. D'accord. Les procédures radio peuvent être aussi adaptées en fonction des dispositifs. C'est-à-dire que vous êtes sur un dispositif où un concert et qu'elle a énormément de malaise. Toutes les 30 secondes, vous allez avoir un malaise. Elles vont être allégées par rapport à la normale. D'accord. Ok. Et donc, et une autre. Non, ça, je l'ai déjà posé. Donc, est-ce que justement, au niveau des formations, au sein de l'ADPC, est-ce que ça se déroule avec le même matériel que dans les établissements scolaires, quand vous pouviez faire, du coup, quand vous proposiez les formations? Oui, bah, les mannequins de secourisme, que ce soit des formations tout public ou nos formations à nous, on va aussi utiliser les mêmes. Et vous expliquez du coup comment ça fonctionne, comment bien placer par exemple les électrodes sur le défibrillateur, etc. C'est ça, vous voyez, dans tout ce qui est réanimation, on forme à ça, oui. Et pour encourager du coup nos auditrices et auditeurs à vous rejoindre, c'est une autre donnée chiffrée que j'ai vue sur le site de l'ADPC. Le taux de réussite aux formations pour l'ADPC 88 s'élève à 98%. Oui, donc ce chiffre-là, c'est parle des formations qui sont tout public et pas les formations qui sont réservées pour les secouristes professionnels, parce que nos secouristes sont des professionnels du secours. Bien C'est sûr. pas parce qu'ils ne sont bénévoles qu'ils ne sont pas des professionnels du secours. Bien sûr. Donc, pour les formations tout public, si vous voulez, parce que tout le monde peut les faire, ces formations tout public. Oui, c'est accessible à tout le monde à partir de 10 ans. Une D'accord. formation geste qui sauve, qui dure 2 heures, ou PC1, premier secours civique de niveau 1, qui, elle, dure 7 heures. D'accord. Et du coup, la formation, est-ce qu'il y a aussi le PSC2, je crois, est-ce que c'est aussi une formation tout public? Le PSC2, là, ça n'existe pas. En fait, D'accord. on dit toujours le PSC1 de niveau 1, mais il n'y a pas de niveau 2. Par D'accord, contre, là, on ok. va parler de PS1 ou de PS2, qui sont premiers secours en équipe de niveau 1 ou de niveau 2. Pour participer à un poste de secours comme secouriste, il faut déjà avoir le premier secours en équipe de niveau 1, le PSE1. D'accord. Et du coup, quelle est la différence entre le PSC1 et le PSE1 du coup? Alors, le PSE1, c'est du secourisme en équipe. Donc là, vous faites partie d'une équipe constituée et vous avez aussi du matériel. Alors que le PSC1, c'est vraiment tout ce qui est personnel et c'est du sauveteur isolé en fait, et D'accord. sans matériel. Sauf le Sauf défibrillateur. le, sauf le, sauf les deux, le DEA, qui est le défibrillateur entièrement automatisé, du coup. C'est tout, quoi. D'accord. Et donc, oui, donc tout ce qui est, par exemple, massage cardiaque, bouche à bouche, etc., etc. C'est ça. Exact. Donc, nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, mais avant de conclure, je vous propose de nous lancer directement, je vais dire, dans l'avant-dernière pause musicale, car je passerai la quatrième à la place de mon générique tout à l'heure, et que nous écoutions un autre groupe célèbre, les Bee Gees, composé des trois frères Gibb, donc Barry, Gibb ou Jib, je ne sais pas comment ça se prononce, donc Barry, Robin, dont on salue la mémoire, et Maurice, dont on salue la mémoire également, avec leur célèbre morceau intitulé Stayin' Alive. Toujours au niveau des quelques références, c'est un morceau plutôt typé disco, il est sorti en 1977, et c'est un titre issu de l'album Saturday Night Fever, The Original Movie Soundtrack, car oui, ce célèbre tube est issu du film La Fièvre du samedi soir, avec John Travolta et Karen Lynn Gorney, entre autres, et on verra que ce titre a un rapport avec le massage cardiaque, du coup, mais on en parlera juste après. Donc on écoute du coup les Bee Gees avec leur célèbre titre Stayin' Alive, et on se retrouve juste après pour la suite et déjà la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gemozo d'ici un peu plus de 4 minutes. Yeah. Stayin' Alive, DBG's sur Radio Gamozo. Vous êtes donc de retour, vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre site internet https://radiogamozo.radio-website.com/ et sur notre application Orange Radio partout en France. Et comme je le rappelle souvent, peut-être même dans les pays frontaliers, car je sais qu'on nous écoute en Belgique, en Suisse, en Allemagne et même au Québec, malgré le décalage horaire grâce à notre site internet pardon, et à notre application Orange Radio. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Mathieu et de Clément de la Protection Civile des Vosges qui sont là pour nous parler de la protection civile, pour peut-être nous donner quelques conseils et pour nous parler de tout ce qu'ils font. Tout va toujours bien ? Super. Super. Parfait. Donc, comme je l'ai annoncé avant la pause musicale, je crois que ce morceau est assez utilisé en cas de pour s'entraîner au massage cardiaque. Alors effectivement, ce morceau, quand on est amené à pratiquer un massage cardiaque, ce morceau peut servir de métronome de base pour les compressions thoraciques au niveau du rythme, en fait. Il faut compter entre 100 et 120 pulsations. Compression, pas pulsation, excusez-moi. Compression par minute afin que les victimes donc, puissent garder, puissent avoir le cerveau irrigué. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, du coup, est-ce que, bien que ce soit une association, est-ce que à la Protection Civile des Vosges, il y a des heures de présence plus ou moins obligatoires ? Non, nous sommes associatifs, c'est toujours dans le cadre du bénévolat, donc là, rien qui est obligatoire. Mais il peut arriver, par exemple, qu'il y ait des préalertes. Mm-hmm. Donc si on est susceptible d'être envoyé sur un événement, on peut se mettre de préalerte, c'est quasiment comme une astreinte en fait. D'accord, ok. Donc, et puis aussi, on en parlait pendant cette pause musicale concernant le passage du PSE. Il faut aussi. Ah oui, alors les formations que nous faisons, premier secours en équipe de niveau 1, niveau 2, pour les gens qui rentrent chez nous, nous investissons envers ces personnes. Bien sûr. Ça engendre des frais. Et donc nous demandons aussi aux gens qui viennent d'être bénévoles chez nous, c'est que quand on passe ces formations, c'est de participer à minima à quelques postes de secours pour pouvoir rentabiliser la formation qu'on leur a offerte. Mmh. Mais par exemple, s'il y a des gens qui sont intéressés pour rejoindre la Protection Civile des Vosges, mais qu'ils ont peur d'être choqués, par exemple, par malheureusement des victimes d'accidents de la route ou autres, est-ce qu'ils peuvent dire « Alors moi, je veux bien m'investir dans la Protection Civile des Vosges, mais ne pas aller sur telle chose, telle chose, telle chose ?» Bien sûr, hein, les postes de secours ou ce genre de choses, je ne sais pas, là je pense aux accidents de la route, quelqu'un qui ne veut pas aller sur les rallyes, elle n'a rien d'obligé. Cette personne, si elle a peur de ça, par exemple, elle ne s'inscrira pas sur les postes de secours sur les rallyes. Après, dans le cadre des accidents de la route, ça nous arrive régulièrement de tomber de façon fortuite. Mmh. Donc, c'est-à-dire, vous allez sur un poste de secours tôt le matin et puis on tombe sur une voiture de retournée avec encore les occupants dedans, ce genre de choses. Ça nous est déjà arrivé. Donc là, elle n'a pas le choix, elle sera obligée d'aller porter secours. Bien sûr. Donc oui, donc toujours, parfois, donc, quand vous roulez, sur la route, dès que vous voyez un accident, vous ne réfléchissez même pas, vous vous arrêtez, vous portez secours. Bien sûr, hein, comme n'importe quel citoyen le ferait. Bien sûr. Ça, simplement, nous, on a le matériel et les compétences pour pouvoir intervenir plus qu'un sauveteur isolé. Mm-hmm. Donc, nous le faisons en place tout en passant l'alerte, excusez-moi, et en attendant le renfort des pompiers. Mm-hmm. C'est important ce que tu dis, comme n'importe quel citoyen le ferait, parce que si quelqu'un est pas victime, mais voit un accident, je sais plus, j'ai plus le mot en tête. Et témoin d'un accident et qui ne porte pas plainte, ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger. Et donc, c'est répréhensible. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Tout à fait. À savoir que déjà passer l'alerte, c'est déjà porter secours. C'est déjà du secourisme de prendre son téléphone et puis d'appeler les secours. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est que c'est le citoyen qui est le premier maillon de la chaîne de secours. Eh oui. Donc déjà, du coup, mettre... De ce que je me souviens, de ce que j'ai déjà eu l'occasion d'apprendre, déjà mettre le triangle pour signaler d'un accident, ensuite appeler les secours et après faire les premiers soins déjà pour, en attendant que les secours arrivent. C'est ça. Voilà. Ça, je ne suis pas totalement largué, ça va. Et donc, du coup, on parlait de conseils un peu plus tôt. Donc, est-ce que vous auriez quelques conseils de sécurité à transmettre à nos auditrices et auditeurs ? Des conseils au sein de la sécurité civile en général, ce serait d'abord que chaque citoyen vienne se former au premier secours. Mmh. En France, on est très en retard là-dessus. Oui. Et donc, j'encourage tous les citoyens à venir se former au premier secours et à même s'équiper en matériel aussi. Mmh. Donc, il y a une trousse de soins dans sa voiture avec je sais pas, des bandages, des compresses, etc. etc. C'est ça. J'encourage les gens à investir dans du matériel, mais pas forcément ce qu'on appelle de la bobologie pour des petits conforts, mais quelque chose avec lequel on va pouvoir gérer une urgence vitale et réellement sauver des vies. Mmh. Donc, des pansements compressifs, des garrots, des masques pour pouvoir faire le bouche à bouche, par exemple. Mmh. Voilà. Et donc, moi, si je peux me permettre, j'ai un petit conseil également à donner grâce auquel les gens pourraient se sauver eux-mêmes. Toujours avoir une paire de ciseaux dans leur voiture, comme ça, s'ils ont un accident et s'ils sont étranglés par la ceinture, ils peuvent couper la ceinture de sécurité. Non ? Si ? Je ne sais pas. Alors, je préfère un coupe-sangle. Y a des choses qui existent en tant que coupe-sangle afin de couper la ceinture de sécurité s'il y a besoin ou de percuter une vitre s'il y a besoin de percuter une vitre. Après, historiquement, y a des petites astuces comme l'appuie-tête oui. d'une voiture que l'on peut enlever pour percuter avec les barres en métal qu'on peut percuter une vitre pour justement sortir s'il y a besoin. Après, il y a plein de petites astuces comme ça et on peut vous en raconter encore jusque bien tard. Mais pour ça, je pense qu'il faut venir nous rejoindre. Mmh. Et je pense clairement qu'il faut... C'est le terrain qui commande les choses. Et je pense que connaître les techniques de mode dégradé, ben ça c'est quelque chose qui est très intéressant, notamment la protection civile. Nous sommes dotés, selon les lots que le ministère de l'Intérieur nous impose, mais nous sommes parfois amenés à être dans des situations ou à vivre, à se préparer peut-être à avoir des situations dans lesquelles on devra improviser. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose, nous, dans nos formations, du moins sur la Bresse, que nous travaillons beaucoup à ce que les gens soient en capacité toujours de mener leur mission, même avec peu de matériel et peu de moyens humains. Il faut s'adapter à la situation. Et voilà, d'être associatif, on n'a pas les mêmes moyens que les secours publics. Donc nous travaillons beaucoup aussi à ça, à être en capacité d'être duré, même en mode dégradé. Mmh, d'accord. Et donc, oui, donc, comme tu dis, laisser place à l'improvisation, parce que malheureusement, parfois, ça ne se passe pas comme on aimerait que ça se passe, donc il faut éviter de paniquer, c'est mieux, et du coup, improviser, en effet. Et du coup, comme annoncé avant la pause musicale de tout à l'heure, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, mais qui mériterait absolument d'être abordé, bien que je pense qu'il y ait plein de choses à aborder encore, mais malheureusement, on est un peu pris par le temps. Alors, la protection civile, c'est tellement vaste, mais je dirais que on a grosso modo fait le tour d'un petit peu tout. Il y a plein de choses encore à détailler. Bien sûr. Mais si on pourrait conclure, quelque chose qui me paraît vraiment important que les auditeurs retiennent, c'est que la protection civile, c'est une aventure humaine. Et que si les personnes sont intéressées à aider, secourir ou former, qu'elles ont envie vivre des moments intenses. Aussi. Parce qu'avant la protection civile, la devise c'était bénévole, l'action est ici. Donc c'est vrai qu'on a tendance à nous croire qu'on est là sur les postes de secours, attendre qu'il ne se passe rien. Mais croyez-moi que si vous nous rejoignez et que vous voulez de l'action, vous allez en avoir. Voilà. Et donc justement, si on veut vous rejoindre, est-ce que la DPC 88, est-ce qu'elle a des locaux Alors. La protection civile des Vosges, effectivement, a son siège à Épinal. Il y a différentes antennes dans les Vosges, Neuchâtel, Raon-Bois, La Bresse, Anould et bien sûr Épinal du coup. Et si vous voulez du coup nous rejoindre nous au niveau de la montagne, puisque vous pouvez nous contacter au 06 45 97 10 44, qui est mon numéro personnel, et ou nous envoyer un mail à haute tiré du 6 Vosges, donc au pluriel, arrobase protection civile tout accroché, tiré du 6 Vosges, point org. Excusez-moi, donc haute tiré du 6 Vosges, arrobase protection civile tiré du 6 Vosges, point org. Voilà. Et dans tous les cas, de toute façon, selon l'endroit où vous habitez, on vous retransférera l'antenne qui vous correspond, qui est le plus proche. D'accord. De chez vous. Sinon, vous pouvez aussi nous contacter par la page Facebook. Mm-hmm. Vous tapez Protection Civile des Vosges dans Facebook et puis vous nous envoyez un petit message et ça sera avec un grand plaisir qu'on vous répondra. Voilà, donc de toute façon, je mettrai tous les liens utiles en podcast de cette émission quand il sera publié pour vous retrouver facilement, voilà, pour si jamais nos auditrices et auditeurs sont intéressés, parce que c'est vrai que c'était très intéressant comme petite émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Grandir et encore grandir. Bah, grandir, bien sûr, mais grandir pour toute l'association et puis faire grandir la société aussi dans le thème du secourisme. Donc voilà, ce qu'on souhaiterait, bah, c'est pouvoir continuer à mener nos missions, puis recruter aussi des bénévoles, mm-hmm. encore en plus, et continuer à former la population aux gestes qui sauvent. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte ? Oui, on fait une formation PSC1 le soir à la Bresse, le mardi soir, au mois de mars, donc sur 4 soirs, du 8 mars, donc ça démarre le 8 mars, donc le 8, le 15, le 22 et le 29. Et du coup, vous pouvez vous inscrire sur le site des formations de la protection civile sans aucun problème. Voilà. Et super. C'est animé par nous-mêmes, par la petite équipe qu'on est là. Voilà. D'accord, ok, nickel. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc je vous remercie une nouvelle fois, Mathieu et Clément, d'avoir accepté mon invitation. Non, merci à toi de nous avoir invités. Bon, ça fait plaisir. Merci. Donc du coup, cette émission sera rediffusée demain à 18h avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook et sur notre site internet. Et si vous voulez, je pourrais même vous l'envoyer par mail si vous voulez la récupérer, la partager, etc. En attendant, bah, déjà concernant la suite, retrouvez Gilou et les années bonheur d'ici une petite heure à 16h. Quant à nous, on se retrouve demain à 14h en direct pour une nouvelle édition de Fréquence Libre. Et je ne vais pas mettre mon générique car mes invités tenaient à rendre hommage aux soldats avec le morceau de Jean-Pax Meffray intitulé Afghanistan. Voilà, parce que c'est important de saluer leur courage également. Donc voilà, merci de votre fidélité à Radio Gameozo. Du coup, je vous dis à demain et je vous laisse avec Jean-Pax Meffray et son titre Afghanistan. Donc salut et à demain. Ces putains de montagnes ressemblent à des dents. C'est la mâchoire du diable, la gorge de Satan. Il y a de l'enfer jusque dans les couleurs. Ce pays, c'est la guerre, la douleur et la peur. Et pour les milliers d'hommes plongés dans la fournaise, chaque jour qui se lève est un chemin de braise. Dans le regard des femmes et celui des enfants, on se brûle à la fièvre des terribles tourments. Dans la vallée d'Ouzbin, Tagab, Kora, Gaïn, Kapisa, terre de sang, Afghanistan. L'ennemi embusqué les guettes des collines. Pour monter jusqu'à lui, faut éviter les mines. Et là-haut, dans le ciel, tournent les hélicos, appuyant les sections qui partent à l'assaut. Dans la vallée d'Ouzbin, Tagab, Kora, Gaïn, Kapisa, terre de sang. Afghanistan, Afghanistan. Dans la vallée d'Ouzbin, Dagab, Kora, Gaïn, Kapisa, terre de sang. Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan. Au travers des nuages, au plus fort du baroud, il y a comme l'image du commandant Massoud. Dans la vallée d'Ouzbin, Dagab, Kora, Gaïn, Kapisa, terre de sang. Afghanistan, Afghanistan. Dans la vallée d'Ouzbin, Dagab, Kora, Gaïn, Kapisa, terre de sang. Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan.